ta ye n bolo n'o k'i ye. Pourquoi? siaba kubatila oa ninzo tekae de Kangachos, oh Nathalie, Saint-Ouen, Maman la Joanne. Gonzalo Bocco.